Quelques instants après, Madame Vauquer descendit au moment où son chat venait de renverser d'un coup de patte l'assiette qui couvrait un bol de lait et le lapait en toute hâte. « Mistigri !» s'écria-t-elle. Le chat se sauva, puis revint se frotter à ses jambes. « Oui, fais ton capon, vieux lâche !» lui dit-elle. « Sylvie, Sylvie !»« Eh bien quoi, madame ? Voyez donc ce qu'a bu le chat. C'est la faute de cet animal de Christophe, à qui j'avais dit de mettre le couvert. Où est-il passé ? Ne vous inquiétez pas, madame. Ce sera le café du père Goriot. Je mettrai de l'eau dedans. Il ne s'en apercevra pas. Il ne fait attention à rien, pas même à ce qu'il mange. Où donc est-il allé, ce chinois-là ? Dit madame Vauquer en plaçant les assiettes. Est-ce qu'on sait ? Il fait les trafics des 500 diables. J'ai trop dormi, dit madame Vauquer. Mais aussi, madame est-elle fraîche comme une rose ? En ce moment, la sonnette se fit entendre et Vautrin entra dans le salon en chantant de sa grosse voix. « J'ai longtemps parcouru le monde et l'on m'a vu de toutes parts. « Oh, bonjour, madame Vauquer, dit-il en apercevant l'hôtesse, qu'il prit galamment dans ses bras. « Allons, finissez donc. « Dites impertinent, reprit-il. « Allons, dites-le. « Voulez-vous bien le dire ? « Tenez, je vais mettre le couvert avec vous. « Ah, je suis gentil, n'est-ce pas ?« Courtiser la brune et la blonde, aimer, soupirer. « Je viens de voir quelque chose de singulier. Au hasard. Quoi ? Dit la veuve.